même si vos flics nous trouvent la peau. On va sauver vos ministères, on s'arrachera de vos ghettos. Politicard, tu sens la mort, tu pues le fric des corrompus. Pour nous, il fait très froid dehors, on se l'échelle dans la rue. On est les fils de Bakounine, on va flinguer vos rois serviles. Nous les bâtards de la République, on mettra le feu à vos palais. On est tous plaqués sans papier, les SDF de vos royaumes. Leur chicanos est basané, on mettra le feu à l'Hexagone. Pendant que tu causes à l'Assemblée, y'a ta police qui assassine un pote malien déshérité qui ne voulait pas de combine. On est les fils de Bakounine, on va flinguer vos rois serviles. Nous les bâtards de la République, on mettra le feu à vos palais. Pendant que tu te baffres au ministère, c'est la misère des mecs dehors. La peau du pauvre ne vaut pas cher, on a tendance à les avoir. On crèvera plus dans la misère, même si vos flics nous trouvent peu. On fera sauter vos ministères, on s'arrachera de vos ghettos. On est les fils de Bakounine, on va flinguer vos rois serviles. Nous les bâtards de la République, on mettra le feu à vos palais. On crèvera plus dans la misère, même si vos flics nous trouvent peu. On fera sauter vos ministères, on s'arrachera de vos ghettos. On crèvera plus dans la misère, même si vos flics nous trouvent la peau. On fera sauter vos ministères, on s'arrachera de vos ghettos. On est les fils de Bakounine, on va flinguer vos rois serviles. Nous les bâtards de la République, on mettra le feu à vos palais.